sors de la capitale, bébé de son aller. Le pied sur la pédale, je bombarde ton K2000. T'en sors de la capitale, la 200 va à l'heure. La haste ne m'a jamais fait peur. La célébrité m'écœure. Déterminé, je cours. Mais y'a les votes au retour. Déterminé, je vais le faire. Marquer mon époque offerte. Les principes contre un gros chèque. Non, fils de chien, je suis trop fier. Yeah, regarde tout ce qu'on a fait. C'est Dieu qui nous l'a offert. Je suis le numéro des crew. Moi, je veux nîmes la suite à l'entente. C'est des fois, je me sens perdu. Peur d'oublier le chemin. Mais le soleil se lèvera partout. Même très loin de chez moi. Oh my god. Faut que je me calme. Est-ce que je serai de taille? Est-ce qu'il me reste encore du time? Oh my god, est-ce que je serai de taille? Si j'ai plus de temps, je le ferai pour les miens. Que tu connais de ma vie, toi, hein? On n'est pas dans le même avis, non. Ah, que tu connais de ma vie, toi, hein? On n'est pas dans le même avis, non. Ah. Entre deux, je suis pas l'enfant que je ne suis qu'un homme, mais c'est ma vie. Mon vécu, je le transforme en millions et des millions, transforme les amis en ennemis. Ah ouais, tiens, en parlant d'ennemis, quand j'étais pauvre, y'en avait moins, non. J'étais moins intéressant, moi. Ah ouais, mais ça, c'était avant. Au quartier, ça a changé d'après les humeurs. Y'a trop de bruit sur toi, mon fils, et moi, ça me fait peur. J'suis plus là, ayoma, fais tes valises, j'vise le ciel, et tes étoiles, prie que pour toi. Tu connais ma vie, toi. Hein? On n'est pas dans le même navire, non. Ah, que tu connais de ma vie, toi. Hein? On n'est pas dans le même navire, non. Ah, que tu connais de ma vie. Ah, on n'est pas dans le même navire. Non, non, non. Que tu connais de ma vie. Ah, on n'est pas dans le même navire. Personne te donnera de l'aide. De toute façon.